C'était une fois une vie de rêve, tout juste à côté de la mienne. Sans arrêt, je me demandais quand elle voudrait bien m'épouser. Une vie de rêve au goût de miel qui m'inviterait à danser. Et tous les jours, toute la semaine, on ne pourrait pas s'arrêter. Sa publicité, c'est comme si j'étais en prison. Jamais rien n'arrivait de bon. Une vie de rêve au goût de miel qui m'inviterait à danser. Tous les jours, toute la semaine, on ne pourrait pas s'arrêter.